Bonjour et bienvenue sur Radio Gamozo dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. Je vais continuer à décrypter avec vous les expressions qu'on utilise et les questions qu'on se pose souvent. Drôle d'expression et questions délirantes épisode 10, c'est parti. Tout de suite une expression, une Tati Daniel, une femme âgée et difficile. Le film éponyme d'Étienne Châtillier est devenu un véritable phénomène social. Succès commercial à sa sortie en 1990, il montre sans phare la réalité de la vieillesse chez des personnes de mauvais caractère et la difficulté de l'entourage de les accompagner. Aujourd'hui, des gériatres emploient même le syndrome de Tati Daniel. L'expression « une Tati Daniel » s'est lexicalisée et s'emploie couramment pour désigner une femme âgée irritable. Ce n'est pas le hasard qui incite les cinéastes à aborder ce thème car en France, la population des personnes de plus de 75 ans a doublé entre 1950 et 1990. Depuis, elle atteint près de 6 millions de personnes, dont 60% de femmes. Certains gériatres qualifient le syndrome de Tati Daniel de dépression au style des personnes âgées. Effectivement, la fréquence des dépressions chez les personnes âgées est sous-estimée, car on met leur saut d'humeur et leur agressivité sur le compte de leur mauvais caractère. Le trouble du comportement traduit souvent un refus d'accepter la déchéance physique de la vieillesse et l'état de dépendance qu'en résulte. Ces personnes mettent alors en échec l'entourage et risquent d'entraîner des actes de maltraitance par épuisement des aidants. Quoi qu'il en soit, il faudrait trouver une autre expression qui ne stigmatise pas que les femmes. Ce serait trop injuste qu'il n'y ait que des Tati Daniel et des Papa Gâteau. C'est le moment de la question délirante. Pourquoi certains nuages sont-ils gris et d'autres blancs? Avant de comprendre pourquoi les nuages ont différents teints, il faut déjà savoir de quoi ils sont composés. De vapeur d'eau? Eh bien non. La vapeur d'eau est transparente. En réalité, les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau, de cristaux, de glace, de neige et de poussière microscopique. Tous ces éléments minuscules sont appelés des hydrométéores. Pour ce qui est des couleurs, rappelons en toute simplicité que la teinte des éléments qui nous entourent vient de la réflexion de la somme des longueurs d'onde du spectre visible qu'elle n'absorbe pas. Elle fait peur cette phrase, non? Ne vous inquiétez pas, c'est moins complexe que ça en a l'air. En gros, la lumière du soleil est un mélange de tas de couleurs qu'on appelle spectre visible, qu'on voit quand il y a un arc-en-ciel. Chaque couleur est référencée par une longueur d'onde qui lui est propre. Les objets absorbent certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Et c'est justement les longueurs d'onde non absorbées qui donnent la couleur aux choses. Par exemple, une tomate absorbera toutes les couleurs du spectre visible sauf le rouge, qui réfléchit jusqu'à nos yeux et qu'on voit donc la tomate rouge. Le rapport entre ces tomates et nos nuages, c'est facile. Si quelque chose n'absorbe aucune couleur et les rejette toutes, on le verra blanc. Là, vous comprenez normalement où je veux en venir. Les hydrométéores composant les nuages n'absorbent que très peu les couleurs. C'est pourquoi on voit les nuages blancs. Pourtant, les hydrométéores ont tendance à disperser la lumière et quand elle passe à travers, elle part de tous les côtés. Un vrai bazar. Je résume. Quand le nuage est fin, ça va. La lumière peut traverser et on voit le nuage blanc. Mais plus il est épais, plus le rayon lumineux se perd à l'intérieur et moins la lumière atteint nos yeux. Il est donc plus sombre et semble gris. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite sur Radio Gamozo. Passez une bonne journée. Salut !